comme ça qu'on joue au face levé, où l'on a très envie de rester dans son lit, pour oublier la vie, se refaire une petite santé, démarrer d'un bon pied, se blanchir les idées. Il suffit de peu de choses pour garder le moral, se détendre avec sa bonne étoile. Si c'est pas assez, ben il faut recommencer. Jusqu'à plus pouvoir, jusqu'à plus pouvoir se lever. Sa bonne étoile, sa bonne étoile. Avec la vie qu'on mène dans la société, il faut au moins s'aimer quand on en a envie. Il nous reste au moins ça, c'est pas encore taxé. Il faut en profiter, peut-être même en abuser. Il suffit de peu de choses pour garder le moral, sa bonne étoile. Si c'est pas assez, ben il faut recommencer. Jusqu'à plus pouvoir, jusqu'à plus pouvoir se lever. Sa bonne étoile, sa bonne étoile. Il paraît qu'en moyenne on s'aime deux fois la semaine. Pour faire un fruit de l'amour, on sème pas beaucoup de graines. C'est pas une grosse moyenne, mais les moyennes c'est fait. Pour être amélioré, on va bien s'entraîner. Il suffit de peu de choses pour garder.